à ma plume. Je m'écris et je grandis. J'écris des larmes sur feuille et mon orgueil je le décris. J'écris des poésies de pleurs, d'où la douleur dans mes écrits. J'écris tout mon bonheur ou bien je dis tout ce malheur et l'épice. Ne juge pas qui tu es, mais elle t'explique en quoi consiste ce rituel. Je peux parler sans crainte, sans ombre, sûr de penser à craindre. Sans honte, sans fondre, ce que au fond je crains. Pas le choix en face de Babylone, une vie au choix, viens l'apprenti t'es un homme. On est tous solidaires, que tu sois noir ou blanc. Les aînés en solitaire, ils sont heureux qu'avec l'argent. On arrive, la relève, la jeunesse se soulève. Pas le choix, pas de roi, pas à pas on se lèvera. On arrive, on esquive, toutefois en ces lois, elles sont mortes à la porte, si le peuple devient le je roi. Perds du poids. Si je fume ou si je bois, car on se vide, elle et moi, puis on se retrouve à l'étroit. Je peux lui parler de ma mère, je peux lui parler de mes joies. Problème de pote ou panique mort, des choses à corps de baisse, doux comme la soie. Elle chope mon caractère et me fait des caprices. Plus d'un spit, plus de pique avec de l'encre dans son bide. Parfois elle veut doser, parfois c'est le désert. Parfois elle veut poser comme à la manière d'un geyser. Mal s'il parle de Dieu en mieux que celui de bouche. Mal si une pensée leur vient à la bouche. Mal s'il y a de la merde sur le terre-terre, même si s'il l'assimile à du berbère. C'est toi la grosse merde, étale tes culs dans le pâté. T'as dents potées qui prennent la paix, font tout capoter. Mal si Islam ne veut pas dire adieu, et ouais. Mal si le peigne, tu lui crevais les yeux en vrai. Pas le choix en face de Babylone, une vie au choix, viens l'apprenti t'es un homme. On est tous solidaires, que tu sois noir ou blanc. Les aînés en solitaire, ils sont heureux qu'avec l'argent. On arrive, la relève, la jeunesse se soulève. Pas le choix, pas de roi, pas à pas on se lèvera. On arrive, on esquive, toutefois en ces lois, elles sont mortes à la porte, si le peuple devient le roi.